dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la caisse pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau joie-le-vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, j'y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Du centre d'achat sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'était noir dans le monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va donc bien mal, sa rue principale depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Voici Patrick Esposito du Napoli. Petite ville, ils sont plus rien que 3000. Puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le motel est démoli. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, j'y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, wow, wow, wow. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-mort, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.